C'è pas top, c'è plein de babla, j'pète une clope, Mister Chula, fake bengouze, choc les tous sur la grégouze, c'è bizarre, mec, chien t'y est pas là, ou on back, s'en fait, on se régale, au dégaine, mais c'è personne, rentre chez toi et téléphone qui sonne. Demande à bengouze, j'croyais que t'avais bon, elle t'a mis un pouce, tu fais le fan, tu pisses tout, tu vois la beluga de Moscou, pourquoi tu fais le costaud, tu pourrais finir à l'hosto, crois pas tu rigoles. Ça écoute en colle, en boîte, en tol, quand ça braque, ça vole. Quand c'est tout seul ou que ça fume, un peu de poser avec sa folle. Ça folle, j'cape même si la roue est voilée. Dans tes max ou en quad, en survêt dans ta soirée. J'cape même si la roue est voilée. Dans tes max ou en quad, en survêt dans ta soirée. Fais la gagne, j'ai pas top, j'ai plein de blabla, j'pète une clope, Mister Chula, fake bengouze, choc les tous sur la grégouze, j'ai bizarre, mec, chat, j'ai pas là, où on va, qui s'en fait, on se régale, au dégain, non, mais j'ai personne, rentre chez toi et fais des fonds qui sonnent. La potion dans la taille que j'roule en zone, j'ai claqué deux verres, pomme la veille, c'est pour toutes les zones, c'est pour toutes les zones. J'étais au Pinel dans la mêlée. Plus on charge, me retrouve avec les mille. Et au rond-point de l'escale, paraît que c'est miné. Toi, c'est ton plan, mais lui, il aime que c'est mielleux. Évidemment, je lève le TDM. Et c'est que t'as gadi M. Quand elle me voit passer, y'a écrit Joule derrière le maillot de l'OM. Évidemment, je lève le TDM. Et c'est que t'as gadi M. Quand elle me voit passer, y'a écrit Joule derrière le maillot de l'OM. Fais la gage, j'ai pas top, j'ai plein de blabla, j'pète une clope, Mister Chula, fake bengouze, choc les tous sur la grégouze, j'ai bizarre, mec, chat, j'ai pas là, ou on back, s'en fait, on se régale, au dégain, non, mais j'ai personne, rentre chez toi, il fait les fonds qui sonnent. Va, tu l'attendais, c'est là, gros, Chula. Featuring Bengouze. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Il y a pas un pour faire deux, mon barbe. Qu'est-ce qu'il y a? Marquement, là, frère? Hein? Pas bien? J'ai banca, là? Au fada? Tout ça, gros? Ça fait? Ce que si? Ça fait? Coute ça? Tu es là? Où est-ce que tu es? Tu bébé? Ah bah j'ai compris mon bébé. Eh ouais, c'était la night oh. Qui chauffait. Oh, on constate. On collègue oh. Mon cousine oh. J'ai pas que tu en peux plus mon bébé. Eh ça va, c'est la régale. Série quoi boire oh. On est là, on est au comptoir. Qu'est-ce qu'on fait, on boit pas un coup mon bébé. Hein. Eh ouais mon bébé oh. Sur ce, je t'embrasse. Allez bitch, je m'a gonflé, allez bise. Non, non.